Aïe. Ouais, ouais, ouais, c'est le son du bled. Luxen, Freddy Evans. Aïe. Braco Prod. Ouais, ouais, ouais. Tonton. Aïe. Baba Bagdad. Aïe. Hein. Tout est au bled et tout est à l'été. Loin de la cité, hey, on veut s'évader, hey, pour chercher à l'été. Partie du quartier, tout est au bled et tout est à l'été. Loin de la cité, hey, on veut s'évader, ouais, pour chercher à l'été. On s'est dit à boire. Faut qu'on parte, Chico Darwa. La triade sur le tech, MAD va mettre le gasoil. On prend du recul, on prend un peu de repos. Vu que certains taffent, rime, job et d'autres font le poteau. Passeport expiré, puis on a transpiré. Dans la queue du consulat, on voulait se barrer. Avec mes kahalouches et mes rabzous, babouche, équipé, les potes et les couilles. C'est tard, m'amène, bâche, m'amène. Direction Alicante, Marseille. C'est tard, m'amène, bâche, m'amène. Direction Ouahara, Nutlem, Sen, Sen, Nebroma, Elbor, Razawel, le bord. Morniaz, Natal, aéroport. A peine arrivé, la famille m'enlace. Juste le temps de leur présenter mon pote Boras. Quartier du quartier, tout est au bled et tout est à l'été. Loin de la cité, hey, on veut s'évader, hey, pour chercher à l'été. Quartier du quartier, tout est au bled et tout est à l'été. Loin de la cité, on veut s'évader, hey, pour chercher à l'été. On est loin des tours et des bars, voilà qu'on se tape des bars. Autour de ce décor, mais on pense plus au départ. C'est dead man, t'embrouilles pas, ils sont stockman. Passe le temps, je bulle avec un Walkman. Les bitraveurs sortent les derniers bolides à la page. Les michetonneuses font des défilés de mode à la plage. Tu veilles ou pas, le soleil réveille, t'es le bar. Y'a pas de salle de mariage, ça se fait, fais le star. C'est la compète de celui qui sera le plus riche. Le rouilla, c'est du char, c'est pas pas le bitch. On est massif, le marbrosage intensif. Sur la route de la fin, j'annec, les produits sont impulsifs. C'est l'occasion de se retrouver avec la grand-mère. Moment d'évasion, location de scooter des mers. Ça touche à sa fin, une crème sur la corniche. On refait nos bagages et un au revoir à la mif. Quartier du quartier, tout est au bled et tout est à l'été. Loin de la cité, hey, on veut s'évader, hey, pour chercher à l'été. Quartier du quartier, quartier, tout est au bled et tout est à l'été. Loin de la cité, ouais, ouais, ouais. Ah, c'est le son du bled. Freddy Evans. Ah, Mosralem. Worsen. Razawet. Blida. Tounem. Biskra. Schlef. Bejaya. Tizi. Nedrouma. Annabaz. Nata. Alger. Mouania. MJ. Ouarad. C'est pour le bled. Ah, l'Algérie jusqu'en Tunisie. Maroc. Comores, Sénégal, Mali, aïe, Baba Bagdad, 7-7.